بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد وهو باب الاستسقاء. باب الاستسقاء كي لا شابيت دو لا ديمون دو بلوي كي اين سلاس كي لوي ايغالمون كي لوي بروبر. دونك لا لوتور فا سيتي ساتا احاديث كولاتيف ا سيت صلات. يقول رحمه الله تعالى في الحديث 47 بعد المياه 147 حديث عن عبد الله بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. من ثلث الصحابي كي عبد الله بن عاصم إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم est sorti afin de faire la demande de pluie. Il s'est dirigé vers la Qibla et s'est mis à invoquer. Et il a retourné son vêtement supérieur. C'est-à-dire la partie supérieure de son corps, le vêtement, il a retourné. Ensuite, il a fait deux rakat, dans lesquelles il a fait une salat, une récitation à haute voix. Et dans une version, il s'est rendu au Moussalla, c'est-à-dire le lieu de salat du Eid, le lieu qui est ouvert. Yaqulu fadilat al-shi'a ibn al-Uthaymin, rahmatullahi ta'ala. Al-Rawi, le rapporteur, c'est Abdullah ibn Zayd Asim al-Mazini, al-Ansari, qui était des gens de la Médina. شهد غزوة أحد وما بعدها et qu'il a cité la bataille de Uhud et celles qui sont venues après. واختلف في شهوده غزوة بدر et qu'ils ont divergé, c'est-à-dire les savants, quant à sa participation à la bataille de Badr. وشارك في قتل مسيلمة qu'il a participé au قتل de مسيلمة qui est prétendu mensongement à la prophétie. في اليمامة et qu'il a été tué يوم الحرة سنة 63 qu'il a été tué l'an 63 de l'Hégire. يقول موضوع الحديث سجد الحديث بيان حكم صلاة الاستسقاء ومكانها وكيف يدعو qui est pour montrer justement le jugement de cette salat, qu'en est-il, demande de pluie, à quel lieu doit-elle être accomplie et comment invoquer. يقول في الشرح الإجمالي explication globale de ce hadith أصاب الناس قحط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع ضرر ذلك عنهم إلى الله عز وجل. Donc les gens ont été atteints par une période de disette, de sécheresse, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et nul n'était en mesure de pouvoir repousser cela, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Au fiyad al-hadith, yurbiru Abdullah ibn Zayd ibn Asim anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kharaja le musalla al-Eid li yakuna abla wa fi izhar al-iftikar wa dara'ati l'Allah azza wa jal. Donc dans ce hadith, Abdullah ibn Zayd informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers le musalla, le lieu de la salat, du Eid, afin que cela soit encore plus voyant. D'accord ? Et encore plus, démontre encore plus le besoin de revenir vers Allah. D'accord ? Ce qu'on dit, on appellera ça notre appauvrissement, notre besoin du don d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'une salate autre que celle-ci. C'est une situation vraiment de grand besoin, de détresse. Voilà, ça va paraître plus la détresse. فقام صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة يسأل الله تعالى أن يسقيهم ويعثهم وحول رداءه تفاؤلا أن يحول الله الجدب إلى خضب والشدة إلى رخاء ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. Ensuite, le Nabi صلى الله عليه وسلم s'est tourné vers la Qibla et s'est mis à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire descendre la pluie. Il a retourné justement son vêtement de la partie supérieure, ce qu'on appelle Rida, la partie supérieure de son corps. Et cela, par espoir que Allah Azzawajal, lui-même également, retourne cette situation qui est de la sécheresse vers la verdure et qui est de la détresse vers l'aisance, vers le secours. Ensuite, il a fait une salade de deux rakat, dans laquelle il faisait une récitation à haute voix. Yaqul min fawaid al-hadith, enseignement du hadith. مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود سببها. Qu'il légiférait de faire cette salade de l'istisqa lorsque la cause est présente, c'est-à-dire la sécheresse. D'accord ? L'aridité. ثانيا أنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. Qu'elle est composée de deux rakat lors desquelles on récite à haute voix. ثالثا مشروعية إقامتها في مصلى العيد. Et qu'il légifère de la faire dans le مصلى du عيد. C'est-à-dire à l'extérieur, dehors. Rabian anad-du'a bisuqiya qabla as-salah. Et que l'invocation, justement, que Allah nous fasse tomber la pluie, cela se fait avant la salat. Khamisan mashru'iyat istiqbal al-qibla hal ad-du'a fil istisqa wa qalb rida aw al-ibaa ونحوه حين إذن qu'il est légiféré justement de faire face à la Qibla lorsqu'on invoque lors de l'istisqa. Et même en dehors de l'istisqa, parmi les choses qui amènent, parmi les causes de réponse de l'invocation, de faire face à la Qibla. Également, de retourner son vêtement de la partie supérieure du corps. سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم مفتكر إلى الله في جلب المناف المنافع ودفع المضار ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. Et cela prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même est en grand besoin d'Allah azza wa jal pour lui apporter le bien et le repousser le mal. Et qu'il ne possède ni bien ni mal pour, ni pour lui-même, ni pour quiconque. C'est-à-dire que tout cela est le droit d'Allah exclusif. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun pouvoir, on n'occupe pas aucune part dans le contrôle des choses. Sallallahu alayhi wa sallam. هذا الذي أخذنا اليوم من الحديث والحمد لله رب العالمين.